TLC Beats Maras. Merwem. Tu pars avec moi, tu me parles d'amitié. Mon frangin, je crois que tu es fou. Au rond-point, j'esquive les policiers. Parce que j'ai de la beuh dans les couilles. Ici, les petits ont plus de pitié. Ils font pleurer les darons et tout. Je rattrape ce que je me suis privé. Et tu quittes, elle veut que je l'épouse. Le meilleur, c'est ce que ma maman m'a dit. J'ai revu papa, on a fêté l'anniversaire. C'est pas parce que j'ai des sous que je vais changer d'amis. Je suis bien avec tout le monde, je vois pas d'adversaire. Le schmitt, je t'étale, même si j'ai pas de métal. Pour s'enfuir, j'en ai vu sauter du deuxième étage. Ne dis pas tout, j'ai pas confiance, ça dégage. T'en avec le cœur, le reste, ça m'est égal. C'est quoi cette ville de fous? Même les joueurs, ils se font tirer dessus. Il a voulu faire des sous, mais il a pris tant d'années, il était têtu. Les blessures, ça laisse des traces. Un peu comme un trahi pour son premier amour. Les vrais, ceux qui oublient pas les passes. Et eux, le buzz, ils sont pas là pour. Solo dans l'audi, je pleure. Moi, c'est Jules, bat les couilles de Jules. Solo dans l'audi, je pleure. Moi, c'est Julien, bat les couilles de Jules. Tu pars avec moi, tu me parles d'amitié. Mon frangin, je crois que tu es fou. Au rond-point, j'esquive les policiers. Parce que j'ai de la beuh dans les couilles. Ici les petits ont plus de pitié. Ils font pleurer les darons et tout. Je rattrape ce que je me suis privé. Et tu quittes, elle veut que je l'épouse. Tu pars avec moi, tu me parles d'amitié. Mon frangin, je crois que tu es